Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa, comme notre habitude, on va commencer par une brève révision du cours de la semaine passée qui portait, comme vous le savez, sur le fait de combattre les voleurs et les khawarij et la légitimité de cela. Est-ce que quelqu'un parmi vous, Hafidhakumullah, pourrait nous rappeler en quoi consiste ou de quoi avons-nous parlé et qu'est-ce que nous avons détaillé dans le cours de la semaine passée concernant ce point, le fait qu'il est permis de combattre les voleurs et al-khawarij, et quelles sont les règles de manière générale qui tournent autour de cela. Aïe, Shabab. Tfaddal. Agressé, il fallait répondre proportionnellement à Ahsante. Donc, lorsque tu es agressé dans tes biens, ton honneur ou ta vie. Ces trois choses qui ont été évoquées dans l'un des hadiths que j'ai évoqués la semaine passée. Lorsque tu es attaqué, donc dans tes biens, ton honneur ou ta vie, tu as le droit de te défendre. C'est même une obligation pour toi. Puisque dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, qui se trouve dans Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il lui a été demandé, vois-tu, si l'on veut me prendre mes biens, il a répondu, si quelqu'un vient pour me prendre mes biens, il a répondu, ne lui donne pas. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui donne pas tes biens. Puis il a été questionné, et si il me combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire combat-le alors, puis de dire et si il me tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire tu es mort en martyr et si je le tue, eh bien cette personne-là est dans le feu, dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons ce détail ici, donc l'obligation de te défendre, de ne pas laisser quelqu'un s'en prendre à tes biens, ton honneur, c'est-à-dire ta femme, tes sœurs, ta mère, etc., ton honneur et ta vie. Et cette chose très importante qu'a rappelé votre frère Hafidhahullah, ce facteur déterminant ici, le fait que cette condition, cette manière de se comporter lorsque quelqu'un t'attaque et tu te défends, c'est que tu dois lui répondre ou te défendre proportionnellement à cette attaque. C'est-à-dire, comme on l'a évoqué la semaine passée, si quelqu'un te combat à main nue, vient pour te prendre par exemple tes biens et qu'il est à main nue, il ne t'est pas permis de prendre une arme et de lui tirer dessus par exemple. Tu dois te battre avec lui, le combattre proportionnellement à cette attaque qu'il a portée sur toi. Et si cette personne, tu arrives à le faire fuir, qu'est-ce qu'il t'est légiféré de faire et qu'est-ce qu'il ne t'est pas légiféré de faire? Et faites bien attention, ici, l'imam Ahmed a cité ce point-là, comme le point qu'il a cité aujourd'hui que l'on va détailler. Après ces fondements de la sunna qui traitent de la manière dont les gens de la sunna ont de se comporter avec le gouverneur. Et ceci n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que parmi les spécificités du gouverneur, le fait que c'est lui qui applique les peines légales, les sentences légiférées, les peines légales, ahsantum. Et la voie de l'khawarij est que de eux-mêmes, ils se permettent d'appliquer ces peines légales lorsqu'ils trouvent une personne sur qui l'appliquer. C'est le sujet du cours d'aujourd'hui, ou c'est une partie du sujet du cours d'aujourd'hui. Et ici, aussi dans cette partie, ce fondement que nous avons vu la semaine passée, il y a une part de cette règle où nous avons vu des parties de cette règle-là. Puisque au moment où la personne, le voleur, l'agresseur est attrapé, par exemple par son agresseur, qu'est-ce qu'il devra faire et qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Ou plutôt, si l'autorité attrapait cette personne-là, qu'est-ce qu'elle lui ferait? Elle lui appliquerait une peine. La peine légale. Mais si c'est autre que l'autorité qui attrape cette personne-là, qui met la main sur cette personne-là, comme ici en l'occurrence celui qui a été agressé, qu'est-ce qui lui sera permis de faire et qu'est-ce qui lui sera permis de ne pas faire. Fadal Kalim. S'il arrête son vol, c'est le but recherché. Son vol ou son mal, c'est... Ahsant. Si son mal est arrêté, c'est ce qui est recherché. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin que cela. Le fait qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin que cela, est-ce que ça veut dire que, par exemple, on ne va pas appeler les autorités et le livrer aux autorités? Non. Cette personne-là, s'il t'a agressé et son mal sur toi s'est arrêté, sur toi ou sur tes proches s'est arrêté, peut-être que son mal ne s'arrête pas sur d'autres victimes qu'il pourrait faire potentiellement. Donc à partir de là, il convient d'appeler les autorités, de le remettre aux autorités. Mais ce qui est voulu par votre frère Karim ici, c'est que à partir du moment où son mal est arrêté, donc sur toi ou sur tes proches ou sur les personnes agressées, eh bien, on ne doit pas aller plus loin que cela lorsqu'on a mis la main dessus et qu'on l'a empêché de nuire. C'est-à-dire en allant plus loin, c'est-à-dire par exemple, le frapper, le tuer, le torturer, le punir. Comme certaines personnes peuvent penser, je vais le punir pour ce qu'il m'a fait. Je vais lui faire une punition. Et ceci, faites attention, beaucoup de gens qui s'apparentent à la sunna ne font pas la part des choses dans cela. Et sans aucun doute, la personne qui t'a agressé, qui t'a fait du mal, tu es en colère contre lui. Mais ce qui t'est demandé, c'est de te soumettre à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu ne peux pas te permettre de dire, moi, de base, je suis quelqu'un de nerveux. Moi, de base, je suis quelqu'un qui est de telle et telle manière. Non, ce qui t'est demandé, ce n'est pas de nous exposer ta, comment dire, tes comportements, comment tu es de base et de soumettre la législation à tes comportements, mais plutôt de soumettre tes comportements à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la soumission qui est demandée. Et ceci d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Dans le sens approximatif de ces paroles tabaraka wa ta'ala, non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas du moment qu'ils ne t'auront pas demandé de juger entre eux de leurs différends. Ceci est ce qu'implique ta foi. Et nous avions évoqué donc une... On a dit aussi donc le fait que tu n'as pas le droit de lui appliquer la punition. Pareil, s'il s'enfuit, est-ce que tu as le droit de le poursuivre, de lui courir après jusqu'à le rattraper? Non, s'il s'enfuit, ça y est. Il te convient de téléphoner, d'appeler, de rentrer en contact avec les autorités et de les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Si ces autorités-là lui appliquent la peine légale, alhamdoulillah, s'ils décident de ne pas lui appliquer la peine légale, ceci les regarde. Toi, tu n'es pas questionné à propos de cette chose-là. Car certaines personnes, parmi les Khawarij, comme je l'ai évoqué dans le cours précédent, dans certains pays, avait comme croyance le fait que la sentence d'Allah Azzawajal doit être appliquée sur terre. Sans aucun doute, c'est une réalité, nous sommes tous sur la même chose. Mais ils se permettent de l'appliquer eux-mêmes, sans passer par celui à qui Allah Azzawajal a délégué le fait d'appliquer cette sentence légiférée, qui est le gouverneur des musulmans. Avant de terminer donc cette révision, j'avais évoqué une mas'ala, un sujet, qui est celui que l'on appelle def'u as-sa'il, c'est-à-dire repousser l'agresseur, qui est une mas'ala, qui est un sujet très important, et en particulier lorsque nous traitons ce sujet-là. Qui peut nous résumer un petit peu la règle qui est en relation avec ce sujet? Repousser l'agresseur. C'est à peu près ce que l'on vient d'expliquer ici. Tfaddal. Ahsant, donc le repousser de la meilleure des manières. La base de cette règle est que à chaque fois que tu détérioreras quelque chose, tu devras rembourser cette chose que tu auras détériorée, si c'est un bien d'autrui. On est d'accord. Si tu casses quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dois le rembourser. Tu es garant de ce bien que tu as détruit. Ceci est la base. si tu détruis quelque chose alors que cette chose pouvait te nuire, à partir de là, tu ne seras pas garant de cette chose-là, tu ne devras pas la rembourser si tu as appliqué cette règle-là, c'est-à-dire le fait de repousser la nuisance de cette chose de la meilleure des manières. Ici, bien sûr, détériorer une chose comme détériorer la vie ou la santé d'autrui. Par exemple, quelqu'un, un agresseur qui vient t'agresser, au moment où tu vas, par exemple, le frapper ou même aller jusqu'à le tuer, tu auras détérioré sa santé ou sa vie. Donc ceci rentre dans cette affaire, l'affaire de repousser l'agresseur. Si la chose qui te causera nuisance sera un bien matériel, on est sur la même chose. C'est-à-dire, par exemple, comme j'avais évoqué la semaine passée, par exemple, une voiture. Une voiture, par exemple, si tu en viens à casser gratuitement le carreau d'une voiture ou une portière de voiture, est-ce que tu devras rembourser à son propriétaire ? Bien sûr, tu l'as cassé gratuitement. Maintenant, si la voiture, un exemple, est en pente et la personne a oublié de serrer le frein à main en laissant sa portière ouverte, la portière arrive en face de toi. Si tu as la possibilité de repousser la nuisance de cette portière qui va te taper en donnant simplement un coup de pied dans cette portière, tu vas l'abîmer, froisser la tôle. Mais à ce moment-là, tu auras fermé la portière et la nuisance ne t'atteindra pas. C'est ce que tu devais faire. Maintenant, si tu arraches la portière en entier, alors que tu n'avais pas besoin de le faire, tu devras être garant de cette chose-là. C'est le principe de def'u sa'il, repousser l'agresseur. Que cet agresseur soit quelque chose d'inanimé, vous avez compris, lorsque c'est une chose inanimée, comme par exemple l'exemple de la voiture ou autre, ou que ce soit un animal aussi. Si par exemple le chien d'autrui vient pour t'agresser et que tu ne peux le repousser qu'en lui infligeant certains séquelles, à la base tu devras rembourser ces séquelles, c'est-à-dire en, par exemple, le soignant et autre chose. Mais si ce chien t'avait agressé et que tu ne pouvais le repousser sa nuisance que de cette manière-là, eh bien tu ne dois rien à son propriétaire. De même que si tu peux repousser cet animal qu'en le tuant, eh bien, tu ne devras rien aussi à ce propriétaire. J'avais évoqué ce sujet-là, qui est un sujet important dans les relations et les transactions qu'il y a entre les gens. Ce sujet-là, qui était important lorsque nous étudions ce fondement qu'a évoqué ici l'imam Ahmad, qui est de combattre les voleurs et el-khawarij. C'est-à-dire que si cette personne qui t'aura agressé, tu pouvais le repousser d'une manière douce et que tu as choisi de le tuer, par exemple, de lui porter un coup, que tu savais que ce coup allait le tuer, alors que tu n'avais pas besoin de faire cela, est-ce qu'on dit que cette personne-là, tu ne dois rien ? Comme je l'avais évoqué concernant Adiyah, le prix du sang et autre que cela dans le cours précédent, est-ce qu'on dit que tu ne dois rien à sa famille ? Non, tu avais la possibilité de le repousser d'une manière douce et tu as choisi de lui porter un coup mortel sans passer par la manière la plus douce. Donc tu te dois de rembourser ce préjudice. Ceci est très important. Parfois on ne pense pas à ce genre de choses et par l'éducation qu'on a reçue, je parle de l'éducation dans ce pays, on peut se dire que cette personne-là m'a fait ceci, je lui fais cela. C'est lui qui m'a agressé. Pourquoi je n'ai pas le droit de lui infliger une punition ? Non. Ceci est la charia d'Allah Azza wa Jal. Le musulman se doit d'apprendre les règles de la charia d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de les appliquer au mieux comme il le peut.